Psaume 2. Pourquoi se mutinent les nations, et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se trouvent en personne, et les princes consultent ensemble, contre l'Éternel et contre son loin. Rompons, disent-ils, leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui habite dans les cieux, se rira d'eux, le Seigneur s'en moquera. Alors il leur parlera en sa colère, et il les remplira de terreur par la grandeur de son courroux. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je vous réciterai quel a été ce sacre, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Demande-moi, et je te donnerai pour ton héritage les nations, et pour ta possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et tu les mettras en pièces comme un vaisseau de potier. Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte, et égayez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans cette conduite, quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Oh, que bienheureux sont tous ceux qui se confient en lui.